Hier sont les Lions indomptables du Cameroun. Inlassablement, nous chanterons votre gloire. Pour que nous soyons dissimulés, nous ne cesserons de vous encourager. Sans complexe, vous remplirez votre mission. Vive les Lions indomptables du Cameroun. Oh yeah! Ce noble sport qu'est le football, nul ne saurait désormais renier votre valeur. Le plus profond de nous-mêmes repose la fierté. Oui, nous sommes fiers de vous. Même les épreuves ont jalonné votre ascension. Pourtant, vous les avez toutes surmontées. Tout en accumulant vigoureusement ces succès, avec zèle et patriotisme, vous vous êtes battus. Bien entendu, le prix de vos efforts demeure inestimable. Lions indomptables du Cameroun, je vous admire. Et encore une fois, permettez-moi, solennellement, de vous adresser mes sincères félicitations. Bien indomptable du Cameroun. Oh yeah! For mankind, sing a song. we make peace for mankind. Yeah, for everybody to do the best for peace. Then we will show this world will really be a wonderful world. Oh yeah, sing a song of peace, 'cause we need peace for mankind. Sing a song of peace. sing a song, song of peace. 'Cause we need peace for mankind. Sing a song.